Salut à tous, petit disclaimer pour cet épisode. Cet épisode, on l'a enregistré avec Donald Renew et ça nous tenait vraiment à cœur. On l'a enregistré et c'est sûrement dû à l'excitation ou au manque de temps, mais le son va saturer sur votre épisode. C'est normal, on ne sait pas à quoi c'est dû nous, de notre côté. On a tout essayé pour essayer de rendre l'enregistrement un petit peu plus potable, mais vous n'aurez pas une très très grosse qualité et on en est vraiment désolé. Toutes nos excuses et la prochaine fois, promis, on fera mieux. C'est qui lui là ? Non mais là c'est pas possible, tu le fais exprès quoi. J'ai comme un doute, on connaît ? Je me souvenais plus pourquoi je venais, mais ça me revient maintenant. Bon les gars, vous abusez, c'est Arthur. Non, t'es sûr ? Ah non, mais si c'est Arthur, moi je m'en fous, je fais pas l'émission, les mecs. Oh, bande de trous du cul, l'ambiance est vraiment merdique. Bon, vous me gavez en vrai, je sais même pas pourquoi j'essaie de gérer tout ça, là. Tu fais tellement semblant d'avoir de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui avec Flony. Salut Flony, comment ça va ? Ben, bonsoir à tous. Moi, écoute, ça va plutôt bien. Je suis très content d'être autour de cette table. Ça faisait un petit bout de temps. Oh, oui, c'est cool. Vrai. Alors, je suis aussi avec Banziette. Comment ça va, Banziette ? Ça va. Enfin, je sais pas si on m'entend du coup là. Si, c'est bon. Ouais, mais c'était juste une punition la semaine dernière. Et je suis avec un revenant aussi. Je suis avec Arthur. Salut Arthur, comment ça va ? Bonjour à tous. C'est l'émission des comebacks. C'est l'émission des comebacks, bien évidemment. Et aujourd'hui, messieurs, nous avons un invité spécial. Alors, si je vous dis qu'il a joué dans Bienvenue à Zombieland, Batman vs Superman, The Batman, Spider-Man, Tic Tic Boom, 21 Jump Street, et aussi dans Titeuf, ou même dans la bande à Picsou, où il incarne Loulou, et il me semble que c'est le jumeau maléfique. Bien sûr. Vous l'avez forcément entendu au moins une fois dans votre vie, et c'est aussi une des voix d'énergie, c'est Donald Renew. Salut Donald, comment ça va ? Ça va les gars ? Oh, incroyable, bonsoir. J'adore l'idée. Le concept est plutôt pas mal, j'aime bien. Et aujourd'hui, bien évidemment, nous avons fait venir Donald Renew puisque nous allons aborder deux films. Deux petits films, un peu des films d'auteur, on va dire, qui s'appellent The Amazing Spider-Man. Et je m'excuse d'avance pour l'accent, bien évidemment, comme à chaque fois. Donc, nous parlerons de The Amazing Spider-Man. Flony aura 5 minutes du cul. Nous passerons ensuite au conseil de classe. Et puis, bah, on conclura l'émission parce qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. C'est parti. Et oui, messieurs, nous allons parler de Amazing Spider-Man. Mais avant, je pense qu'on va peut-être poser quelques petites questions à monsieur Donald Renew s'il est d'accord. Est-ce qu'il est d'accord ? Non. Eh bien, merci. C'est ainsi que se termine cette émission. C'était cool. Ah, bonne soirée. Franchement, ça faisait plaisir. Bonne soirée, Donald. Au moins, on est Donald Renew, j'ai envie de dire. Incroyable. Christophe Lemoyne était plus sympa. Hein. Mais ça va pas, toi. Mais arrête. Toi, si t'es venu comme ça, si t'es venu pour dire des trucs comme ça, c'est pas la peine. Hein. Il est incroyable. Ce mec. Non. Du coup, on va Donald. Nous, enfin voilà, on s'est réunis autour de la table et on aimerait savoir déjà comment toi t'es venu au doublage. Comment t'es venu là. Enfin, ouais, à faire du doublage. Bah en fait, c'était une amie de ma mère qui cherchait des enfants pour faire des voix d'enfants, parce qu'à l'époque c'était que des adultes qui faisaient des voix d'enfants, et la 5 était en train d'émerger, et il y a un des clients, je crois que c'était Disney, qui demandait à avoir des vrais enfants et puis des femmes. Donc du coup ils se sont mis à en chercher et je suis tombé à ce moment-là, et voilà, un petit coup de pouce du destin que j'ai entretenu et me voilà aujourd'hui. Ouais, effectivement, parce qu'il me semble que une de tes premières voix, c'est Andy dans Toy Story. Alors, c'est pas mes premières voix, mais c'est le film qui a tout fait décoller. Ouais, c'est le bon, film qui a tout fait décoller, ouais. Donc, pas le petit film. Ouais, pas le petit film en soi, oui, pas ouais, le petit animation. Oh, c'est plus ces feux de l'amour qui l'a fait décoller. N'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Et on va couper son micro directement. Ça fait deux fois, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais déjà, il a un carton jaune. Il est au courant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe un casting dans le milieu du doublage? Bah en fait, tout est en direct avec le directeur artistique qui nous passe un coup de fil. Soit on est pris d'office pour le rôle, soit effectivement on doit passer un casting. On a parfois doublé la personne, mais le client a des doutes pour savoir si on peut vraiment le doubler dans ce nouveau rôle-là. Et on faut se rendre disponible sur quelque chose d'assez court. Et ensuite, on est convoqué 2-3 semaines après pour faire le film. Mais c'est vrai que toujours un peu de pression, même sur des acteurs qu'on double, c'est parfois un peu relou à faire. Quand c'est des acteurs qu'on double régulièrement, c'est toujours un peu plus compliqué d'aller retourner montrer ce qu'on sait faire, alors qu'on l'a fait dans X films, c'est pas évident. Ah ouais, parce que même quand c'est des acteurs que t'as déjà doublé, en fait, ils sont capables de te dire « Bon, en fait, tu vas repasser faire des tests parce que je suis pas convaincu. » Ouais, c'est par exemple sur Joseph Gordon-Levitt, ça arrive encore régulièrement. Parce que du coup, ça me fait penser, j'ai une petite question. Pour la bande-annonce de Matrice 4, on t'entend dans la bande-annonce, mais du coup, t'es pas dans le film. Ça veut dire que t'avais pas été retenu pour la suite? Non, c'est qu'en fait, j'ai fait effectivement la bande-annonce, j'ai fait le film, mais chez Warner et l'équipe de doublage, ils se sont dit que c'était bien joué, mais que c'était un peu... jeune vocalement, et que du coup ça faisait pas assez le méchant, donc du coup ils ont refait le rôle. Bon, ça fait partie du jeu, donc mais il y a pas de problème là-dessus. D'accord, du coup effectivement c'est pas moi qu'on entend sur le film, mais le film on l'a fait. D'accord. Merci. Mais puis du coup voilà, comment est-ce qu'on devient voix régulière d'un acteur en fait? Il y a pas de règle. Il y a pas de règle. Ouais, c'est vraiment tu le fais, si ça plaît, tu continues, mais d'accord. Ouais, voilà. Hein. Alors, en fait, il faut plaire non seulement au DA, mais au distributeur. Ouais. Et puis que, voilà, comme je le disais, rien n'est jamais gagné, même quand on enregistre le film, il peut quand même passer quelque chose. Mais même, ça m'est arrivé dans d'autres sens. Hein. À la base, dans les mondes de Ralph, c'est pas moi qui étais casté sur le rôle, et j'ai refait le rôle parce que le comédien, il y avait eu un souci, ça plaisait pas totalement, et j'ai refait le rôle, donc... C'est pour ça que je m'offusque pas. Ça fait partie du jeu, quoi. En fait, ça fait partie du jeu en se disant, ça se trouve, je vais faire tout le film, mais à la fin, en fait, la boîte de prod ou quoi que ce soit va peut-être refuser la chose, quoi. Donc. Et du coup, il y a combien de temps qui se passe entre le doublage et la sortie du film, à peu près un laps de temps, une fourchette, quoi. Il y a pas de règle. Ouais, il y a pas de règle. Vraiment, ça peut être trois mois après. Hein. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça fait des sacrées fourchettes quand même. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de DA, toi aussi t'es DA, il me semble. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste, ce taf-là, parce que... Ouais. Eh ben en fait, DA, c'est assez compliqué parce qu'on prend une coquille vide et il faut la remplir d'une VF intégralement, c'est-à-dire qu'on part de la VO. Ouais. Et il faut proposer des comédiens pour faire le plan de travail, pour les convoquer. Il faut les diriger sur le moment et en fait la direction artistique, c'est véritablement livrer une VF au total, quoi. Donc c'est beaucoup de pression. Et c'est vous qui adaptez les textes aussi, ou vous avez quand même des... Non, d'autres personnes. Quand même. Non, il y a un adaptateur qui lui fait son taf d'adaptation. Non, c'est un peu faire là. La voix que t'aurais aimé faire? Stallone. Moi, je dis souvent que j'aurais aimé faire partie de la bande South Park. C'est vrai. Bien sûr. J'avais pensé à cette question. Oui, t'as jamais fait de voix dans South Park ou dans les Simpsons? Non. Jamais. Carrément. Ah puis dans South Park, ça passerait tellement crème. C'est ça. Et sinon... maintenant, oui. Mais avant, au début, je pense que j'avais pas l'humour pour ça. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah, c'est intéressant de voir que il y a eu ce truc-là de l'humour que t'avais pas forcément avant. Mmh. Et sinon, on va parler live maintenant. L'acteur que t'aurais aimé doubler ou que tu voudrais doubler? Moi, j'ai tellement été gâté par le métier, c'est difficile de répondre à cette question. Mais je pense que celui que j'ai arrêté de faire et qui m'a, sur le moment, m'a un peu embêté, c'était Shia LaBeouf. Ah ouais, il y a des Transformers, et je le doublais avant au début dans les séries. Et je l'ai perdu quand il s'est mis à faire le film, c'était dommage, mais j'aimais beaucoup cet acteur. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. Parce qu'en plus, le doublage, enfin, moi j'ai vu quand même 2-3 vidéos, c'est quand même un exercice supra compliqué, parce qu'en plus de jouer la comédie derrière un micro, il y a aussi ce texte qui arrive à une certaine rapidité, et le fait de pouvoir et aligner les mots sur la barre, et en plus de ça, jouer les émotions, etc., je pense que... Enfin, après, j'ai jamais testé l'exercice, mais je pense que ça doit être quand même assez compliqué les premières fois, non? Ouais, bah, c'est clair. Mais je te cache pas qu'aujourd'hui, après, on en a rebouffé des kilomètres, cette difficulté de la bande rythmée, on l'oublie totalement. Ouais, bah oui. Quand on est à l'aise dans le doublage, généralement, le texte, on le regarde arriver quand il arrive à droite de l'image. Ouais. Et ensuite, on le mémorise et on le place. Au mieux, comme on dit, à l'image, histoire d'avoir quelque chose qui soit vraiment cool pour être vraiment dans les yeux du personnage. Ouais, d'accord. Mais la rythme en elle-même, plus t'habitues, moins tu la regardes. Ok, ouais, donc ouais, c'est un exercice en fait qu'après ouais, tu prends comme. Oui, bah, c'est ça, clairement. Clairement. C'est ça. Okay, d'accord. Est-ce qu'il vous arrive de faire des bandes rythmo à blanc sans que ça soit enregistré, histoire de se mettre dans le personnage, d'avoir le bon rythme de débit, tout ça? Non. Non, ah non, si on a besoin, sinon non. Ouais, ça fait 3 fois que je te reprends. Non, et puis là, après, est-ce que vous avez d'autres questions, vous les gars? Parce que moi, j'ai une dernière question. Après, on va enchaîner sur la chronique. La dernière question. La dernière question. Je vois ça alors qu'une araignée est en train de passer sur énorme, la feuille. Énorme. C'est ton rapport à Spider-Man, parce que en plus de le doubler dans les jeux vidéo, tu doubles Spider-Man d'Andrew Garfield. Donc, c'est juste connaître un petit peu ton rapport à Spider-Man pour voir où t'en es un peu là-dessus. Quoi. Bah moi j'ai toujours été fan quand j'étais petit hein, du personnage dans les comics et dans les dessins animés qui étaient doublés par Nicolas Marié à l'époque. Mmh. Donc c'est vrai que quand on m'a proposé le rôle, j'étais trop heureux quoi. Ah bah tu m'étonnes. Oui, moi aussi je veux faire ce rôle là. je pense que Spider-Man, enfin ouais, ah bah Spider-Man, ouais, tout le monde, tout le monde je pense. Ah oui. Eh bien je vous propose, merci Donald pour cette petite interview. Hein. Par pas. Ne pars pas, mais merci, bah salut. Salut et bonne soirée. et du coup maintenant messieurs, nous allons passer à la chronique en elle-même. Et comme d'habitude, bien évidemment, je vous ai préparé un petit contexte. Donc on est en 2007 et Sony vient de sortir Spider-Man 3. Il y a un quatrième film qui est annoncé pour sortir en mai 2011, avec toujours Sam Raimi aux manettes et Tobey Maguire dans le rôle titre. Mais au final, Sam Raimi, pour lui, le délai il est trop court et il préfère abandonner le projet. Et en plus de ça, après c'est de ce que j'ai lu, hein, je suis pas dans le secret des dieux, tout ça, machin, il semble que Tobey Maguire a été assez gourmand et qu'il a demandé un salaire plutôt pas dégueu. Oui. Et ça a refroidi un petit peu Sony. Mais du coup, une chose entraînant une autre, Rémi il abandonne le projet, Tobey Maguire, Kirsten Dunst aussi. Et le studio, il avait même, c'est quand même assez fou, le studio avait anticipé l'abandon, puisque quelques jours après l'abandon de Rémi, ils annoncent Web à la réalisation. Attention, ceci n'est pas un jeu de mots en anglais, les gars, voilà. Donc il y a Sony qui doit tout recommencer si elle veut garder les droits de Spidey sous son aile, hein, bien évidemment. Ils vont pas le laisser comme ça, hein, Spidey. Et non, ils vont pas le laisser comme ça, hein, la petite poule aux œufs d'or, hein, on va dire. Et du coup, on est en 2011. Comme chaque année, il y a le Comic-Con, hein, cette fameuse convention américaine qui bat son plein avec son lot d'annonces pour les films à venir, tout ça. Et pendant le panel consacré à Spider-Man, il y a un gars qui arrive déguisé en Spider-Man de la tête aux pieds. Il s'avance, dans il parle public, dans le micro, dans le public, oui. Il enlève son masque et le public s'aperçoit que c'est Andrew Garfield qui a déjà été annoncé comme le nouveau Peter Parker. Il avait déjà été annoncé, il a été annoncé en 2010. Ouais. Et le gars vient dans le public, Comic-Con, tout ça. Donc le film, il est confié à Mark Webb, c'est toujours pas une vanne, hein, Web qui comme auparavant a réalisé 500 jours ensemble et qui, oui, Web comme la toile. Ouais. Ah, tout est lié. Ça. Pour ceux qui n'ont pas compris. qui a réalisé 500 jours ensemble et quelques clips, il me semble, mais pas grand chose de plus. Donc, on va passer directement au film. On est en 2012 et les salles obscures projettent Amazing Spider-Man. Au casting, il y a donc Andrew Garfield dans le rôle titre, accompagné par Emma Stone qui joue Gwen Stacy, Reese Evans, Kurt le Lézard Connors ou même Martin Sheen pour l'oncle Ben. On est donc sur un reboot de l'histoire et il y a une histoire familiale de Peter Parker quand même qui va être étroitement liée avec la création du Lézard. Pour le film, on a un budget de 230 millions. Ça rapporte au niveau mondial 758 millions. Ouais, c'est pas ça, ça va. Ça va. Le bénéfice est pas mal. Et maintenant, messieurs, un truc que j'aime bien faire. Vous commencez à me connaître. On va s'intéresser au casting VF. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais pourquoi donc ? Donc Andrew Garfield, et il est doublé par un certain Donald Reynolds. Exactement. Ça me dit quelque chose. Je sais pas. Emma Stone, elle est doublée par Elisabeth Ventura. Et franchement, Donald, si je fais une boulette, tu m'arrêtes, hein, y a pas de souci. Ouais. Donc Elisabeth Ventura, qui est sa VF régulière, ainsi que celle de Rebecca Hall, Carey Mulligan, Lucy Hale, Brie Larson ou encore Blake Lively. Ok, d'accord. Ouais. Rissi Fans, il est doublé par Christian Gonon, qui est pensionnaire de la Comédie Française et qui fait quelquefois les voix de Colin Firth ou même Christopher Waltz, notamment dans Spectre. Ok, hein, d'accord. Ouais. Donc on est vraiment sur, pour l'instant, des pointures. On a aussi François Dunoyer, Stéphane Fourreau, Richard Leblond, Catherine Davenier, Olivia Chauvel, Patricia Piazza ou même Johan Sauveur. Et alors après, ça c'est quand j'ai revu le film, il me semble même avoir entendu Christophe Lemoine qui joue un vendeur au début du film. Ah ouais, ouais. Et il me semble que c'est quand, enfin, au tout début, quand l'oncle Ben se fait tuer. Oui, c'est un spoiler. Oh non. Ah non, il meurt. Alors, jamais vu le film. Jamais vu le film. Et bien justement, c'était ma prochaine question. Merci d'anticiper, Flonny. Est-ce que vous avez vu le film ? Je demande pas forcément à Donald. Je pense qu'il l'a vu deux fois. Vraiment. Forcément, je pense. Et qu'est-ce que... Après, les doubleurs regardent pas forcément leur film. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, en fait, j'étais un gros fan de la trilogie Sam Raimi. J'étais vraiment, enfin, c'est le premier Spidey que j'avais vu en film, etc. Donc, j'étais vraiment émerveillé par le truc. Un peu moins par le troisième, mais c'est pas le but de la chronique. Mais du coup, moi, je le prenais quand le premier est sorti. Je l'ai pris un peu, d'un air un peu hautain, en disant ouais, qu'est-ce que ça va être ce Spider-Man un peu revisité. Ouais, ça va être un truc remâché. Et en fin de compte, pas du tout. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que d'autres méchants, une autre histoire, c'est pas du remâché derrière, comme je disais tout à l'heure. Il y a vraiment une prise de position aussi de la production, etc. C'est un autre costume, c'est d'autres mises en scène, etc. Et donc, du coup, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Mais pour la première fois où je l'avais vu, je l'ai pris un peu... d'un air haut, et en fait, compte, j'étais agréablement surpris. Ah, merci Flony. De rien. Bon Ziad. Comme Flony, je suis grand fan de la première trilogie, et là, donc quand je suis allé voir le premier, j'étais en mode bon. Ouais. J'aime Spider-Man, de toute façon, on va bien voir ce que ça donne. Et non, agréablement surpris, j'ai adoré le film. Donc, comme Flony disait, nouveau personnage, Gwen Stacy, qui n'avait pas encore forcément été présenté au grand public, à part les comics. Ah, si, dans le 3. Oui, mais... Mais vite fait, oui, bien sûr. Un nouveau méchant, le lézard, qu'on voyait déjà dans la première trilogie comme le Dr. Connors, mais qui donc n'était pas transformé. Non, le seul petit point faible que je dirais pour le film, c'est que Peter Parker, pour moi, il est trop cool. Ah, et ne spoile pas trop, n'en dis pas trop, okay. Ça vient peut-être dans les points. Arthur. Eh bien, justement, moi, c'est ce que j'adore. Je trouve qu'il colle parfaitement à l'esprit de la série des comics. Donc, des comics. voilà, c'est mon Spider-Man préféré des trois différents Spider-Man. J'ai pas grand chose à ajouter. J'aime beaucoup ce film. C'est pas le meilleur film Spider-Man. Okay. Mais c'est mon Spider-Man préféré. Okay. Très bien, monsieur le fanboy. Donald, est-ce que toi tu l'as vu ? T'as pris le temps de le voir ou pas du tout ? Oui, les Spidey, je regarde rarement ce que je fais, voire même jamais, mais bon, les Spidey, je les ai quand même vu passer, hein. Évidemment, c'est difficile de passer à côté. En VO ou en VF ? Non, en VF. Du coup, on va passer au film, et comme d'habitude, les plus, un petit peu, les moins, etc. Sauf que là, moi, j'ai noté quelques petits trucs, et vous allez me dire, vous, si vous mettez ça plus dans le côté plus, positif ou dans le moins. Et c'est hyper original ou pas ? Ah, j'adore. Hey, nouveau concept. Allez. La musique, qu'est-ce qu'on en pense ? Bon, la musique est pas marquante. Elle est incroyable. Par rapport à la première trilogie, elle est moins marquante. Danny Elfman sur la première trilogie, je sais plus qui fait. Il me semble que c'est James Horner. Oula. Mais du coup, si les intros aussi elles sont marquantes. Surtout les musiques de Voltage, mais après, pas grand chose malheureusement. Bah, la musique d'intro du Amazing Spider-Man 2, voilà. On n'a jamais fait mieux. Oui, ah oui, oui, ah bah là oui. Ah bah oui. Oui, oui, oui, même qu'on, il me semble qu'on l'a utilisé pour un spectacle de théâtre. Voilà. Mais oui, et voilà. Donc bah voilà, c'est tout. Flony. Non, moi j'ai bien aimé. Enfin, de toute façon, après, je sais pas si je suis vraiment très objectif sur tout ce qui est les Marvel, etc. Et même les Spidey. Donc, moi j'ai adoré. De toute façon, dès que j'entends la musique Spider-Man, etc., enfin, les poils ils se lèvent, etc. Enfin, oui, c'est ton sens d'araignée. Ah, mais peut-être. Regarde, je peux grimper au mur. Non, pas vraiment. Voilà, non. C'est pas tellement. Pas tellement. Je me pète la gueule à chaque fois. C'est incroyable. Et bien, justement, t'en parlais tout à l'heure dans Zied. Le prochain point, c'est Peter est cool. Est-ce que, et vous allez peut-être pouvoir m'aider là-dessus, est-ce qu'il est pas dans cette trilogie-là, justement, enfin dans cette trilogie, dans ces deux films, trop cool? Ah non. Dès le début. Non, mais dès le début. Non, parce que ça marque le personnage. C'est tout. C'est une personnalité moi, qui est assumée. Moi, ce que ça change, et ça tranche avec Maguire. Exactement. Oui, c'est ça. Parce que Maguire était beaucoup plus introverti dans son personnage, tu sais, le petit intello de base, etc. Et en fait, là, avec Andrew Garfield, on a vraiment une autre perception du personnage, un peu plus comique. Il est pas non plus exubérant non plus, tu vois, mais un peu plus de confiance en lui, etc. Et ça tranche vraiment avec Maguire. Et j'ai trouvé que ça apporte quelque chose. Où là, moi, j'ai retrouvé un peu plus aussi l'esprit du dessin animé Spider-Man, etc. Où il peut y avoir de la vanne, etc. Et donc, tu parles de la vanne, de l'humour. Vous voulez vraiment niquer tous mes points, les gars. Oh, ça va. On peut plus rien dire, merde. Non, mais et c'est tout bête, mais la VF elle joue vachement. On est dans un match là. Bien, justement, j'avais une question à poser à Donald. C'est quelle indication, quelles intentions de jeu on a pu te donner pour que tu puisses jouer ce Peter là, en fait? Bah, on m'a dit de m'amuser et que il ça fallait trouver un mix entre l'humour et le côté épique. Donc, c'était ça le dosage qu'il fallait trouver. Je pense que ça a mis du temps à arriver, mais je pense que je l'ai trouvé au fur et à mesure des films et des jeux. Évident. Alors, je vais pas te le cacher, dès le premier film, c'est bon, hein, on a ce qu'il faut. Petit couteau. Mais même toi, mais même toi, en fait, je veux dire, en tant que. Qu'acteur VF, etc. Le truc, c'est que tu te dis, on te dit, ouais, bah vas-y, éclate-toi. Enfin, ça doit être un réel plaisir dès le départ à dire, bon, bah vas-y, là, on me fait confiance et je peux y aller, quoi. Non, mais en fait, je me suis senti à l'aise dès le début, donc il n'y avait plus qu'à creuser pour vraiment être satisfait. Mais j'étais vraiment dans le kiff du personnage dès le début, donc on s'est fait plaisir. Enfin, si on pouvait bosser comme ça tous les jours, ce serait top. Quoi. Puis il y a toutes les pailles d'émotions. Andrew Garfield est vachement. Il est hyper expressif. Il est très jovial. Tout d'un coup, il va être énorme. Il va y avoir énorme tristesse avec la mort de Oncle Ben. C'est. Oncle Ben, avec la mort d'un paquet de riz. Enfin, tu vois, le mec, il le vide son paquet de riz devant les autres et tout. Non, voilà. Et puis la pailles d'émotions, il est très variée. Comparé au précédent. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que franchement, à chaque fois que je vois un film d'Andrew Garfield, et au-delà des Spider-Man ou quoi que ce soit, mais il a une palette, mais tu dois t'éclater à le doubler, en fait. Ouais, bah ça se vérifie sur chaque film, hein. C'est vrai que sur le Tu ne tueras point, scotché. Il est sur le silence de Scorsese, j'ai eu du mal à le suivre, tellement c'était difficile ce qu'il avait à faire. Ouais. Et après là récemment dans Tic Tic Boom, le mainstream qui était. J'ai l'impression d'oublier Nickelodeon, c'était incroyable. Il change de registre à chaque fois, donc c'est vraiment un super acteur. Ouais, d'ailleurs Tic Tic Boom, excellent film, hein, à regarder vraiment. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, je disais que Peter était cool, peut-être trop, mais. Et on ne l'a pas assez noté, c'est aussi un expert en infiltration quand il est à Oscorp. Le gars s'infiltre, mais comme jamais. Avant qu'il ait ses pouvoirs. Et quand il a ses pouvoirs, c'est un mec qui devient hyper maladroit dans le métro. Bon, on n'est plus sur le collaborateur, voilà. qu'est-ce que vous pensez aussi de la relation Gwen-Peter? Elle est bonne. Ouais. Un peu moins maintenant. Ça s'est un peu refroidi. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est marrant comme la vie se joue à un fil. J'adore. C'est subtil. T'es pas dans le bon podcast alors. La relation. Intéressante, en fait il y a une évolution, en fait, intéressante. Je préfère cette relation qu'à Mary Jane et Peter. Ouais, de ouf. Mais moi j'ai été scotché à la fin de la voir mourir. Je m'y attendais pas. On est au 1 là. Oui, non, mais même dans le 2, voilà. Dans le 2, je m'y attendais vraiment pas. Et j'ai été surpris, je fais ah oh, putain, ils ont osé. Oh les cons. Donc toi, tu n'as pas lu les comics? Bah non, je sais pas lire. Ah oui, c'est vrai. Peine, merde. Moi, ce que j'ai aussi apprécié, et j'ai pas l'impression qu'on le retrouve dans la trilogie vraiment de Tobey Maguire, c'est la méfiance de la police envers Spider-Man. T'as l'impression que dans la première trilogie, ça coule de source, c'est injustifié, c'est bon, machin. La méfiance vient de Jameson. Mais il n'y a pas la police. Oui, et là, la méfiance vient de la police. Et il y a très peu de Jameson. Il y a juste au retour d'un mail où on voit son nom. Mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que c'est vrai que t'es à New York, tranquille, tu fais ta vie et t'es policier et tout d'un coup, bim, il y a un mec déguisé en bleu rouge comme une araignée qui vient, qui attrape les méchants, machin. Tu te dis mais attends, c'est quoi ça? Tu te méfies forcément. Tu te dis pas directement lui. C'est le héros de New York. Non mais moi je suis l'autre patin, il fait mon boulot. C'est tranquille. Ouais. Yes, ok. Excusez-moi. Je pense pas que les mecs ils pensent comme ça. Mais... Moi ce que j'ai vu aussi c'est qu'il y avait la mythologie de la famille Parker qui était développée. Oui. Un truc qu'il n'y avait pas dans la première trilogie, qu'il n'y a pas dans la nouvelle trilogie. Non, pas non plus, ouais. Et que... Bah voilà, moi j'ai trouvé que ça changeait un petit peu. Alors, de ce qu'il me semble, ça se rapproche peut-être un petit peu plus des comics Ultimate. Et je trouve ça pas mal de qu'il y ait une mythologie là-dessus pour pouvoir en fait enrichir un petit peu l'histoire du personnage. Bah c'est quelque chose qui avait pas encore touché. De base, tu sais que les parents de Peter sont morts. Voilà. Bon. Oui. Et que son histoire se déclenche au moment de la mort de l'oncle Ben. Mais entre ce que son père faisait à Oscorp ou sa mère, bon, c'est pas trop ce que faisait sa mère, mais son père. Bah, t'y as pensé tellement fort à vouloir dire un truc dans Zod. C'est dégueulasse. Je n'ai absolument rien dit. Mais du coup, oui, son père trempait à Oscorp. À Oscorp, tu sais qu'il y a toujours des trucs chelous. Et du coup, ça donnait quelque chose. Tu sais pas comment ils sont morts. Et c'est une histoire qui pouvait être intéressante à raconter. Effectivement, le prochain point, alors là, messieurs, je pense que vous n'allez pas me contredire, on est d'accord, les scènes de voltige, c'est des putains de plans iconiques. C'est incroyable. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ah oui. Ils sont incroyables. Alors, je pourrais pas dire que c'est les meilleurs, parce que j'ai une préférence pour la première trilogie, mais elles sont belles aussi. Moi je trouve que c'est quand même un autre délire. C'est un autre délire que les premières. Les premières, en fait, elles étaient assez fantastiques, parce que c'était, la première fois, tu dis, ok, d'accord, ok, tu vois. Mais là, franchement, il y a quand même un degré au-dessus. La vue à la première personne. Ah, elle est incroyable. Ouais. La vue à la première personne, elle est incroyable. Moi, je m'y croyais. Hein. Je tendais les bras comme ça. J'étais en train de lancer des toiles d'araignée partout. Et d'ailleurs, je voulais revenir un petit peu sur ces scènes de voltige, parce que je sais aussi, Donald, que tu fais la VF de Spider-Man dans les jeux vidéo. T'as bien renseigné, hein. T'as vu. Et pas qu'un peu. Hein. Ouais, mais après ça, c'est parce que je les ai recommencés 3-4 fois, que mes fils sont fans aussi. Enfin bon, voilà. Tu vas pas raconter tout à l'heure. Calme-toi. Et du coup, comment tu jouais ça? Est-ce que tu courais avant sur le plateau pour être un peu essoufflé, pour avoir un peu cette impression de tu fais un effort, ou comment tu faisais en fait? Non, on essaye de simuler ça pour que ça soit le plus réaliste possible, mais on est totalement immobile. Ah ouais. Ah ouais, putain. L'intention physique que tu dois donner, c'est ça, ouais. Laisse tomber, tu dois être cramé à la fin de la journée. Mais d'ailleurs, on en a rigolé en plateau il y a pas plus que cette semaine. On me dit, c'est un truc de fou, tu fais des efforts de malade et tu bouges pas d'un millimètre. Et on en a rigolé, quoi. Par contre, en fin de journée, ouais, tu dois être vraiment claqué. Voilà. Après, c'est mon petit instant fanboy, je vais pas le cacher, mais c'est vrai qu'avec l'intention que tu donnes dans la voix et dans le jeu, dès que je vois une VF et qui a marqué VF Donald Renew pour n'importe quel personnage, je regarde en VF. Hein. C'est cool. J'essaie de faire le truc propre, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà, les interviews comme là et puis les conventions, on a un retour du public et il faut pas déconner et sortir un truc en mode vite fait, parce que non, mais bien sûr. Le retour de bâton, on le prend toujours à un moment ou à un autre, donc il faut toujours essayer d'être au top, quoi. Non mais t'as raison, surtout avec les réseaux sociaux, ça peut aller hyper vite maintenant, mais t'as pas à t'inquiéter, c'est toujours propre, hein, vraiment. Ça va alors. Le prochain point aussi, c'est que moi je je trouve qu'il y a quelques scènes qui semblent vouloir amener quelque part dans ce film. Peut-être pour préparer quelque chose, mais en fait, pas forcément. Il y a la brune à lunettes au lycée, qu'on voit deux fois. Oui. Et après, elle est plus dans l'histoire, et je me dis, c'est bizarre quand même. Et il y a aussi peut-être la scène quand... Quand il y a le voleur de voiture avec « Oh non, ma faiblesse, les petits couteaux !» D'ailleurs, réplique géniale. Où il y a un plan sur le pistolet qui glisse sous la voiture. Et pour moi, quand j'ai regardé le film, je me suis dit « Mais il va se passer quelque chose avec ce pistolet. » Et rien. Je me suis dit « C'est bizarre ça quand même !» Est-ce que c'était pas les petits easter eggs qu'ils mettaient pour peut-être plus tard et en fin de compte puisque ça s'est arrêté, tu vois. Enfin, après, le pistolet sous la voiture, je pense pas, tu vois. Mais peut-être pour la petite brune à lunettes là de. Peut-être, tu vois. Peut-être qu'elle allait arriver pour le troisième. Et juste pour te troller. Vas-y. C'est juste pour te troll. Ok, d'accord. Et on se pose des questions pour la merde en fait. C'est clair. Prime, bro. Et puis, pour avoir revu les films il y a pas si longtemps, il me semble, mais vraiment il me semble de mémoire, que l'intrigue du suspect avec l'étoile, il n'y a pas de fin là-dessus. Non plus. Non, c'est vraiment... c'était pour troll aussi. Ils ont dit on va troll Culturim, c'est direct. parce que en fait, j'ai revu les films et le flic. Quand il est chez Tante May et tout pour annoncer la mort de l'oncle Ben, il va voir Peter et lui dit au fait, le suspect il a une étoile tatouée sur le poignet gauche. Et moi je me suis dit, mais pourquoi il lui dit ça? C'est juste pour faire avancer le scénario, mec. Ok, merci, okay, merci les gars. Tu le trouveras jamais. Vas-y. Et du coup, voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce premier film? Alors moi, c'est plus pour la réunion. C'est quoi déjà le dernier Spider-Man? C'est Spider-Man No Way Home? Non. Oui, No Way Home. Oh là là, et ouais, on a. Et voilà. Tu vois qu'on a des gars qui sont quand même calés sur le sujet. On a des experts quand même. Enquête exclusive. T'inquiète. Est-ce que t'as été déçu quand on t'a appelé? Entre guillemets, attention, pour te dire, tu vas faire la voix d'Andrew Garfield. Est-ce que ça t'a pas cassé un peu le mythe, le mystère Andrew Garfield dans le dernier Spider-Man? Je vois pas où tu veux en venir. Ouais, moi non plus, t'inquiète. Ouais, parce que quand il est sorti le dernier Spider-Man, est-ce que t'as été déçu qu'on t'appelle pour faire la voix d'Andrew Garfield en te disant, on vient de me spoiler qu'en fait les anciens Spider-Man venaient? C'était plus français. Non, c'est clair. J'étais trop content surtout de voir que ça allait pas être juste un clin d'œil en effet spéciaux où j'allais passer au fond et sortir et aider Tom Holland à buter le méchant et qu'il allait pas parler, qu'il allait juste être en 3D et que c'était pas un clin d'œil. D'ailleurs, c'est la première question que j'ai posée. J'ai demandé au DA, je lui dis, c'est quoi le lignage pour savoir jusqu'où ils allaient être? Et quand il m'a donné le lignage, j'ai fait c'est pas un clin d'œil, c'est trop bien. Oui, c'est pas un clin d'œil à la même manière que le lézard ou même l'homme sable qui n'était même pas sur le plateau de il me semble. Oui. Totalement en effet spéciaux. Et c'est le seul Spider-Man qui crève l'écran. Je suis désolé des trois, mais Andrew Garfield, c'est lui, il y a que lui que tu vois. Est-ce qu'on serait pas vraiment sur un gros fan? Un gros fan, vraiment. Encore que la performance d'Andrew Garfield dans le film, elle est... Vraiment, heureusement que t'as pas mis la vidéo parce que ce serait gênant, je pense. mais moi après, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec Arthur. Alors parce qu'en fait, moi, celui qui m'a donné le plus d'émotion en fait quand il est arrivé dans ce Spider-Man là, c'est Maguire, parce que du coup, c'était le premier, tu vois. Oh, mais il a pris cher. Mais en même temps, mec, il a 72 ans, c'est normal qu'il ait pris cher, tu vois. Mais même nous on a pris cher, frère, parce que quand tu prends notre tête, quand on l'a regardé quand on était petit, et maintenant notre tête, on a pris cher. 20 ans en arrière, les gars. Casser le délire. Mais en fait, moi j'ai eu énormément d'émotions quand je l'ai vu, parce que du coup j'ai fait waouh, ouais, purée, c'est toute mon enfance. Ouais, tu vois, mais il fait rien dans le film. Mais calme-toi. Ouais, il a mal au dos, arrête. Ah, Arthur, tu veux un petit truc sur le mal au dos ou non? Non, je compatis. Et ben merci bien. Avant de passer au deuxième film, je pense que Flony, il est là pour ta minute du cul, non? C'est parti. Hein. Et c'est parti. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Vas-y, active la minute du cul en rotant. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau numéro d'enquête exclusive. Pute, drogue, fist et réforme gouvernementale. Ce soir, nous allons vous plonger dans l'envers du décor du plus grand club échangiste de la capitale. Une enquête menée par Philippe Tarouk, Jean-François Plouf, Virginie Collante, René Brassard, Jules Petit, Sandra Taffroy, Marc Topolowski, Jeanne Hauscourt et Thomas Leplouc. Paris, ville de l'amour, capitale de la France, ville de débauche. Elle est réputée pour sa vie nocturne, l'adresse coupable de tout ce grabuge. L'hémicycle de l'Assemblée nationale, et oui messieurs, depuis le 7 mai 2022, le club échangiste vient de rouvrir ses portes. Qui va être où? Qui va faire quoi? La plaque tournante de l'Élysée est en plein questionnement. Jean Castex passerait du Premier ministre au ministre de la Santé. Il aurait déclaré lors d'une interview pour Ophtalmologue Magazine « À compter du 7 mai, mais... » Où quels sont les binocles? Mais quelqu'un a vu les binocles? Valérie Pécresse sera nommée ministre des Finances. Elle a fait un appel au don de 5 millions d'euros pour redresser ses, pour les comptes de la République. Jean Lassalle sera nommé ministre de l'Agriculture. Il aurait déclaré lors de son passage au salon de la viticulture « Il est vrai que... merci. » Voilà. Roselyne Bachelot sera nommée ministre des Assurances. Elle aurait pour l'occasion mis un tailleur de la haute couture en collaboration directe avec CTLM Assurance. Et enfin, la grande surprise de ce remaniement, eh oui, Monsieur Lopez sera nommé ministre des Transports. À l'occasion de cette surprise dans les nommés, nous l'avons interviewé. Monsieur Lopez, quelle est votre première mesure que vous allez mettre en place en tant que ministre? Ah ben mon copain, je vais te dire, je vais te mettre des caravanes sur partout dans le bitume, je vais aller vendre monseigneur qu'elles sont toutes neuves les autos, 200 000 au compteur net mon copain. Et l'enfant de tuberculeux qui achète pas le camping mon cousin, ben j'ai fait manger le pare-brise. Ah je vous rassure que la grande valse n'en est pas encore terminée. Merci d'avoir suivi ce numéro d'enquête exclusive, une enquête menée par Philippe Tarouk, Jean-François Plouf, Virginie Collante, René Brassard, Jules Petit, Sandra Taffroy, Marc Topolowski, Jeanne Hauscourt et Thomas Leplouc. À très vite sur Culture Ims. Merci Flony. Voilà, je suis waouh. Merci Flony. Je pense qu'avant de repartir sur le deuxième film, je vois l'heure qui tourne et je pense que Donald, on va te libérer. Merci d'être venu. Avec grand plaisir les gars. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ouais? Mais oui, surtout cette minute-là de débauche avec Bernard de la Villardière, c'est incroyable. Eh ben merci beaucoup. Mais merci d'être venu, d'avoir pris le temps de venir parler avec nous de ton expérience sur le doublage, sur les films et sur Spider-Man. Ça nous a fait super plaisir. On va avouer qu'on est 1, 2, 3, 4, on est 4 fanboys. Et d'ailleurs, je vais faire mon fanboy de ouf, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux juste m'appeler Croque-Mou, s'il te plaît? Ah mais je suis désolé, Croque-Mou, il est pas venu aujourd'hui. Attends, je vais demander Croque-Mou. Ah putain. Ah merci. Ah j'ai une érection, je suis désolé. Vraiment. Ah, c'était un plaisir en tout cas. Et puis continue à kiffer Spidey, il y a que ça vrai. Merci Donald. Et on espère te revoir bientôt dans la peau de Spidey, normalement dans le 2. Sur PS5. Ah oui, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Après les films, je croise les doigts. Mec PSM3, ça a tellement bien marché que regarde, j'ai décidé de faire une pause. ouais, forcément. Je sais pas, j'espère que ce sera pas la dernière fois que le rôle de la voix, en tout cas, il y aura une suite. On espère tous vraiment. Carrément. En tout cas, merci d'être venu, Donald. C'était super cool. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, peut-être à bientôt, écoute. J'espère. Et bien, voilà. Et regardez Stream VF, c'est important, c'est génial. Oui, voilà. Ouais, cool. Allez, mais Donald, effectivement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mais oui, bien sûr, une petite promo. Ouais. Maintenant, j'ai envie de dire sur tous les réseaux sociaux, sauf Snapchat. Effectivement, mes émissions Stream VF, c'est un mardi sur deux à 19h avec toutes les grandes voix des VF que vous aimez. C'est en direct sur Twitch pour 2 heures de live et puis en replay sur YouTube. Mais sur YouTube, vous avez 2 semaines de décalage avec ce qui s'est fait en live parce que forcément, on privilégie le live. Bien évidemment. Forcément. Et la chaîne Twitch, c'est quoi? C'est Donald Renew, c'est ça? Ouais, partout, sur tous les réseaux, partout. Twitter, Insta, TikTok, YouTube, Twitch et Donald Renew, tout attaché. Et bien voilà, donc allez suivre bien évidemment Donald Renew, même si bon, je pense que au vu des auditeurs de Culture Ims, vous le suivez déjà, mais suivez-le pour votre fidélité à ceux qui regardent les émissions, c'est cool. Eh ben, de rien, et puis merci à toi d'être venu, ouais. Et à bientôt, salut. Avec plaisir, salut, bonne soirée. Salut. Et maintenant, nous allons passer à The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, puisque le héros, c'est celui qui conduit, parce que c'est celui qui ne voit pas, le titre est vraiment très long. Ouais, il est vraiment très long. On va arrêter, l'humour a ses limites. Exactement, mais ça fait longtemps qu'on a dépassé cette limite. Tu vois, il y avait une limite, premier épisode, on l'a dépassé allègrement, et on l'a souillé. Mais fort de son succès, vraiment, Sony lance la suite de Amazing Spider-Man en prod, et... bien évidemment, on prend les mêmes et on recommence. Hein. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, est sorti en salle en 2014. Il est toujours réalisé par Mark Webb. Et c'est toujours pas une vanne, les gars. Arrêtez, je vous vois rire. Webb par rapport à la toile. Yes, merci. Pardon. Et donc, le scénario, il est confié à Alex Kurtzman et Roberto Orsi, accompagné de Jeff Pinkner. Alors... vous allez me dire, mais t'es vraiment con, la dernière fois t'as pas parlé du scénario. Oh là là, merci. Mais là, ça me semble important de mentionner au moins Kurtzman et Orsi, parce qu'ils collaborent souvent ensemble. Et de leur collaboration, les petits potes, on a eu Alias, la série avec Jennifer Garner. Ouais. Mission Impossible 3. Allô. Non. Vraiment ta gueule. Je fais un commentaire à chaque fois. Allez, Star Trek, le de J.J. Abrams. Ah, la série Sleepy Hollow, pas dégueu. Edge of Tomorrow. Ce sont même les créateurs de la série Fringe. Connais pas. Vraiment, on est sur des mecs pas dégueulasses. Fait que des onomatopées. Ouh. Ah oui, toi t'es de retour avec ton onomatopée man quoi. Oui. Attention à Denis Brugnard. Ah. Oh putain, mais si bien. C'est bien. Non, c'est faux. C'est faux. Non, vraiment, on coupera ça. Le budget, il est encore une fois de 230 millions comme le premier film, et il en rapporte un petit peu moins, mais pas des masses moins, hein, parce que le premier c'était quasiment 800 millions. Là, on est à 709 millions. Ouais, c'est pas dégueu non plus. Donc franchement, c'est très bien. Toujours moins que le premier Spider-Man de Rémi, mais bon, d'accord. Oh là là là là, c'est d'une fatigue. Tu veux que je mette une droite ? Mais une droite, une gauche et une béquille. Et voilà. Voilà. Ah, tu l'as mis en plus. Ouais, c'était cato. C'était un pack. C'était cato. C'était cato. C'est le dimanche, bien évidemment, dans vos églises. Amen. Voilà. Tout près de toi. Fatigue. Et cet épisode, on ne le sortira pas. Niveau histoire, on retrouve Peter qui continue un peu l'enquête sur sa famille qui l'avait délaissé un petit peu avant et qui s'en battait les couilles. Bah, c'est surtout que. Oui. Bah, en fait, il l'avait délaissé, mais il ne le savait pas du tout. Parce que c'est justement dans le 2 que. On va peut-être en reparler un petit peu. Donc, il continue l'enquête sur sa famille. Il doit aussi gérer sa relation avec Gwen, mais aussi avec Harry Osborn, qui revient au pays. On t'entend, Arthur, et l'émergence. Donc, il doit gérer aussi sa relation avec Gwen, mais aussi avec Harry Osborn, qui revient au pays, et l'émergence d'un nouveau méchant en la personne d'Electro, joué par Jamie Foxx. Gwen, qui, dans le premier film, le père avait découvert l'identité de Peter, lui avait dit... Oui. Protège ma fille, laisse-la en dehors de tout ça. Oui, c'est vrai. Je sais pas vous, mais moi, si je devais donner un titre général aux deux films, je l'appellerais « Saletan pour la famille Stacy ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Un peu d'orage. Il y aura un peu d'orage. Non. Ouais. Temps mouvementé, des turbulences chez les Stacy. Ouais. Alors, je sais pas si le père, il est censé mourir dans les comics ou autre. Il me semble de mémoire que si. Ah bah sale temps pour les Stacy du coup, oui. Tu m'étonnes. Ouais, bah merci, super. Super, le mec qui a redit ta phrase. Tout ça pour valider ce que je dis. Écoute, moi j'ai une idée, Flo. Si tu veux, moi je suis là, Flo. Non, une émission à deux. Non, pour récapituler tout ça, est-ce qu'on dirait pas sale temps pour la famille Stacy ? Mais t'es un génie. Ah ouais, est-ce qu'on le dit ? Mais Florent, il l'a déjà dit et moi aussi. Donc, non, c'est la première fois que j'entends cette phrase. Merci, Florent. T'as trop bien trouvé. Non, donc voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça pertinent, le fait de mettre plusieurs méchants dans cette nouvelle aventure, ou pas du tout? C'est le syndrome de Spider-Man 3 de Sam Raimi, j'ai l'impression. Alors, à la différence que Spider-Man 3, pour moi, c'était une commande qu'on avait fait à Sam Raimi, oui, de mettre, d'inclure plusieurs méchants, parce qu'au départ, il voulait que Venom. Le studio non, voulait Venom. Pas, c'est non, c'est le studio voulait qui voulait Venom. Pardon, oui, c'est l'inverse. Est-ce que t'as écouté ma chronique sur Spider-Man? Non, parce que je me fous de quand tu parles. Non mais effectivement, c'est le studio qui voulait Venom, et du coup lui il s'est dit non, je m'en bats les couilles, mais ils l'ont obligé. Donc si on peut récapituler les méchants, il y a le Rhino. Non, qui est très secondaire. En fait, il y a le Rhino qui est teasé, j'en parle après, mais vas-y. Il y a le Rhino, Electro, le Bouffon Vert. Il manque quelques Junior. Il y a alors Osborn, enfin ouais, Bouffon. Non, il y a plus le lézard. Ah non, mais je crois que tu disais depuis le début. Mais après il y a aussi du teasing sur d'autres méchants, parce que on en voit 2-3 autres pour moi, ou 2-3 autres anti-héros, on va dire, qui apparaissent. On voit des armes aussi, mais j'y viens après. Les scènes de Voltige, perso, je les ai trouvées encore plus impressionnantes. C'est les meilleures. Enfin, les gars, on se sont dit, en premier, on fait un step-up par rapport à la première trilogie. Et après, ils se sont dit, tiens, on a déjà fait un step-up par rapport à la première trilogie. Si on faisait un step-up par rapport au premier reboot, là, le Amazing Spider-Man qu'on a fait, et qu'on faisait un truc complètement dingo. Non, mais c'est incroyable. Les scènes de Voltige sont incroyables. Et les Spider-Man de Tom Holland, ça serait bien de prendre de la graine là-dessus. Ça serait bien d'arrêter vos films. John Watts, apparemment, c'est fini pour Spider-Man. Pas totalement. Il a abandonné le projet des 4 Fantastiques, mais il a toujours pas abandonné l'idée de faire le 4e Spider-Man. Abandonne, mec, s'il te plaît. Abandonne, s'il te plaît. Vraiment. John Watts, on sait que tu nous écoutes. Arrête. Vraiment. En anglais, stop. Sauf si tu fais venir et que tu arrives à faire venir Andrew Garfield et que c'est lui le héros du film et que ça s'appelle The Amazing Spider-Man 3, vraiment on va rebooter parce que Andrew Garfield c'est vraiment le meilleur Spider-Man. Là, ok. Là, je signe. Mais avec un autre réalisateur. C'est ça, ouais, voilà, c'est que toi. Vraiment. Bon, en fait, casse-toi. Ouais, on est gentil sinon dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'amitié Peter Parker, Harry Osborn? Je trouve qu'elle est trop vite amenée, ça revient trop vite, sachant que Harry Osborn revient après 12 piges dans les Alpes suisses, et les gars, c'est comme si, frérot, tu m'as manqué, la semaine dernière, je te lui pince en toi. Ouais. J'ai l'impression d'entendre Don Renew, là, c'est impressionnant. Non, pas du tout, je suis pas d'accord. J'imitais Harry Osborn. Ah merde. Donc t'as vraiment des problèmes d'imitation. Ah ouais. T'as vraiment des imitations de merde. Comme tu disais, oui, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, alors que c'est une amitié qui est censée durer depuis qu'ils sont gamins, un truc comme ça. T'en entends pas parler pendant le premier film d'Harry Osborn, enfin, il me semble pas. Ouais. Non, ça va. Et là, ouais, ça y est, on se revoit, et aide-moi, et je suis méchant. Et, ouais. Et en plus de ça, puisque voilà, on peut spoiler, hein, c'était quand même assez tard, enfin c'était quand même en 2014, je crois, donc voilà. Il y a la maladie d'Harry aussi, parce que Harry Osborn est malade. Enfin, son père, lui, il meurt à 63 piges à peu près. Gamin, il a 20 ans, et la maladie. Dès qu'il revient à New York, bim, le truc évolue, mais fois 1000, et le gars est déjà à l'article de la mort 3 semaines après être revenu. Je trouve que c'est dommage, ça évolue trop vite. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, si. Non, c'est vrai. Si. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à intervenir, hein, vraiment. Non, mais. Mais contrairement à. Comme tu disais. Non, je sais pas si tu l'as dit, c'est moi qui le disais, à la première trilogie où. Ok, Boulard. T'es pas mes pieds, t'es pleine de barbules. Harry, il met 3 films à construire le personnage. C'est un fait, et à la fin, tu vois qu'il se venge, il devient le méchant, mais après il y a la rédemption, etc. Là, tout se passe en un seul film. C'est vrai. C'est en fait, sur le 2, en fait, t'as l'impression qu'ils ont un peu calé les choses, un peu, tu sais, en poussant du yep, quoi. Tu sais, en disant, mais si ça va rentrer dans le film, t'inquiète pas, on rentre, ça rentre, t'inquiète pas. Et puis, t'inquiète pas, on va ouvrir ça au pied de biche, ça va rentrer. Comme Arthur disait, syndrome un petit peu de Spider-Man 3, il y a beaucoup de méchants. C'est pas qu'il y a trop de méchants, parce que. Il n'y a pas trop de méchants, il y en a que moins dans Spider-Man 3. Moins bien écrit. Oui, sont moins bien écrits, mais du coup, t'en as que 2, mais ça se passe très vite. Tout se passe très vite. Et c'est tout con, mais le. Plus l'histoire d'amour avec Gwen. Non, mais le mieux écrit, c'est Jimmy Fox, parce qu'on le voit en amont, on le voit. Oui, on le voit avant de se transformer. Oui. Un peu comme l'homme sable. C'est beaucoup moins bien fait, Electro, par rapport à l'homme sable de Sam Raimi. Mmh. Mais on voit comment il est avant de se transformer. Donc, il y a eu un petit geek. Un petit geek, voilà, qui dodote. Il se transforme et on comprend. pourquoi il passe du côté obscur. Ouais. Alors. Et pourquoi ils l'ont complètement changé dans No Way Home, par contre? Je sais pas. Ouais, alors du coup, ça, j'en ai parlé, ça, ils en ont parlé, ça, ils en ont parlé, ça, ils en ont parlé, ça, ils en ont parlé. C'est chiant, vraiment. On est fort, on est très fort. Non, il y a aussi l'histoire familiale de Peter Parker qui est développée. Et ce que tu disais, oui, c'est normal qu'il ait un peu abandonné. Moi, je trouve pas ça normal parce que, en fait, il trouve un papier qu'il n'y avait pas dans le premier, en plus, qui lui dit rendez-vous à la station Roosevelt, machin. Et je trouve que c'est inséré au forceps. Ah, voilà. C'est dans le premier, il s'intéresse à ça. Entre le premier et le deuxième, il y a quand même quelques mois qui sont passés. Et là, bah, bizarrement, tu sais pas pourquoi. Oh bah tiens, un papier qu'il y avait pas au début. Bouh. Et puis un tramway base secrète, quoi. Non mais autant le tramway base secrète, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça peut passer. C'est juste le fait de trouver ce papier et de dire rendez-vous à la station Roosevelt, que ça te prenne 20 minutes du film, je trouve ça vraiment dommage. Alors que ça aurait pu aller peut-être sur du développement du bouffon vert ou autre chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Y a autre chose aussi qui... Alors, je sais pas si vous l'avez revu récemment ou pas. Moi, je l'ai revu hier soir. Ouais. Il était environ 4h. Je l'ai revu avant No Way Home. Ouais. Il y a un bonnet rouge qui dépasse de sa poche à quasi chaque scène. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? À quoi ça sert? C'est un troll. C'est un troll. Je pense que c'est un troll. Merci Donald. Le fantôme de Donald est encore avec... C'est encore un troll qui voulait dire ferme ta gueule, Florent. Merci, Donald. Je pense plutôt à un teasing pour Tante May, pour qu'elle découvre que c'est. Non, parce qu'en fait, quand il sort de la station Roosevelt, il le porte ce bonnet. Parce qu'au départ, j'avais juste mis c'est quoi ce putain de tissu rouge qui dépasse? Parce que, effectivement, ça me posait question. Et en fait, en sortant de. Arthur, il est décédé. Il vient de sortir d'une journée de taf, il est décédé. Et en fait, le gars le porte, le bonnet, quand il sort du métro. Je fais, mais c'est juste ça, c'est dommage. Bah, c'était peut-être pour amener un truc, et en fin de compte, c'était peut-être un effet comique aussi voulu. Peut-être. Ouais, dans le sens, putain, il a quoi dans sa poche? Putain, c'est un fuck bonnet quoi, dans sa poche. Ah, Arthur vient de se réveiller, il a entendu le micro, bien évidemment. Il dure combien de temps le film? Tous les deux, ils durent environ 2 heures. 2 heures. Et ben, c'est pas assez. Alors, à mon avis, il y avait tous les rushs, ils ont dû couper des chaînes à la machette. Après, pour beaucoup d'exposition, en fait. C'est sûrement ça qu'il y a beaucoup de questions sans réponse. Ouais. Parce que Spider-Man 3, ça m'a dit, il dure plus de 2h30, je crois, facile. Non. Ah non. Fou. Non, ouais, peut-être 2h20. Il dure 2h20, mais pas voilà. Plus, quoi. Oui, mais là... Ouais, 2h, c'est une bonne durée pour un film. Ouais, mais avec autant de personnages, autant d'intrigues, à mon avis... il y aura pas de director's cut, mais faudra regarder les scènes coupées du film. Ils vont les envoyer là. Alors, tu vas parler des scènes coupées? Alors, je vais pas parler des scènes coupées, mais je les ai vues et ça implique pas ce bonnet rouge. Il y a vraiment des trucs sur l'histoire familiale de Peter Parker. Oui, mais il me semble qu'il y a un truc là-dessus. Ouais. Oui, il y a un truc où, spoiler alerte, son père n'est pas mort! Oh non! On le voit apparaître au cimetière quand il se recueille sur la tombe de Gwen. Et c'est une scène coupée? Parce que ouais, Gwen meurt! C'est une scène coupée ou c'est une scène? C'est une scène coupée. Non, c'est une scène coupée, bien sûr. Ça, c'est dommage. Bah, après, c'est dommage. Parce qu'il n'y a pas de suite, donc on s'en fout. Mais malheureusement, je pense qu'il manque facile 20-30 minutes de film. Pour qu'il soit vraiment très très il bien. Donc facile 2-3 heures de film environ. Pour faire 2-3 semaines de film. Vraiment, vraiment. Après des films de 2h30, maintenant ça se fait. Hein, À l'époque, moins, ça s'est démocratisé maintenant. Et pourtant, même si ça s'est démocratisé maintenant, je trouve que maintenant c'est trop long. 3 heures, oui, 3 heures pour le dernier Batman. Donald, on sait que t'as fait la voix du Riddler. C'est trop long. Je suis d'accord. Enfin, il y a une heure de trop quasiment. Oh non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé ça. Et ben voilà, calme-toi. C'est un argument. Bah, il y a trois quarts d'heure de film en trop. Vraiment, la dernière heure, c'est vraiment de trop. Une fois qu'il a arrêté le Riddler, pour moi, ça devrait pas continuer. Il y a pas ce truc là, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi t'étais pas là à la chronique sur The Batman? J'avais pas envie de voir ta gueule. J'avais piscine. Eh ben non, il avait piscine d'abord. Et d'ailleurs, il y avait Sébastien qui était là pour Batman, qui crachait allègrement sur le film. Et c'est pour ça qu'il n'est plus apparu depuis. Bah, il est. Ah oui, on peut dire qu'il est mort. On peut dire oui, en voilà. En effet, ouais. Il l'est. Il est mort de rire. On reprend aussi avec ça. Et ok. J'en avais parlé. C'est l'humour de Spider-Man. Mm. On a, par rapport à la trilogie Tobey Maguire, on a un Spidey plus blagueur. on a un Spidey plus blagueur et je trouve que ça c'est vraiment le Spider-Man qu'on connaît des comics et tout. J'ai lu il y a pas longtemps aussi un comics Spider-Man et vraiment le gars fait des vannes tout le temps. Ouais, bien sûr. Ben, c'est bien un sûr. Truc que je voulais parler au début, mais on est passé assez vite dessus. J'aurais pas vu Andrew Garfield dans un rôle un télo un peu introverti. Bien sûr. J'aurais pas vu là-dessus. Parce qu'il y avait le côté cool qui était dans le premier et ça aurait un peu pêché. À balancer des blagues, c'est vraiment le Spider-Man. Il le fait un petit peu dans la trilogie de Raimi. Il balance un petit peu des blagues, mais pas autant que dans les Amazing. Là quand il arrête Paul Giamatti qui fait le Rhino au tout début du film, je suis désolé, le truc c'est vraiment c'est un cartoon quoi. Bah c'est ça, c'est Spider-Man et c'est pour moi l'une des essences du personnage. Là où Tom Holland lui parle beaucoup trop, je trouve. Il parle beaucoup trop et c'est peut-être un drôle Marvel aussi. Je blague. Ça pourrait fonctionner. Mais effectivement, nuances. Tom Holland parle trop et je pense que c'est John Watts qui a voulu écrire ça. Et en fait, le fait de parler trop, ça le rend un peu ridicule et c'est ça qui va être drôle. Non. Il balance pas cette vanne. Il parle beaucoup, mais c'est pas des vannes. C'est ton bras, il est en fibre de carbone, c'est génial. Ouais. On s'en fout un petit peu. Balance une vanne. C'est un peu que ce qu'on peut te reprocher en fait. Fais-moi rire. Mais je pense aussi que c'est aussi l'un des attraits de Spider-Man. Là, il est encore jeune. Il est un peu étonné de tout dans le MCU. Mais c'est ça. Je vois beaucoup plus. Du coup, celui d'Andrew Garfield, pour moi, c'est une très bonne représentation de Spider-Man. Ce que j'ai trouvé aussi important dans ce film-là, c'est que à quelques moments du film, on voit le fantôme du père de Gwen et ça joue sur la relation Peter-Gwen. Mm. On est vraiment sur une relation là dans ce film-là. Toxique. Je t'aime moi non plus. Ouais, c'est clairement. Peut-être pour qu'il a tué à la fin. Il l'a tué volontairement peut-être. Waouh, les théories. vraiment, on est quasiment sur une relation toxique parce que à un moment il vient, il dit non. Après il revient, il dit ouais si en fait, si ça m'intéresse. En fait. Je viens en Angleterre avec toi. Et en fait, ouais, flemme. En fait, non, trop souvent, non, du coup. T'es morte, du coup, je vais pas te suivre. Chaud. Mais du coup, oui, comme trop souvent. C'est oui, non, non, c'est chiant. Là, on est sur une girouette. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. C'est chiant. Après, merci pour cette analyse. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ce truc là où il se tourne autour. Moi, j'ai trouvé que ça apporte pas grand chose en fait. Après, on peut se poser la question parce que il l'aime, mais il a un devoir envers son père qui est un peu mort aussi, un petit peu à cause de lui, vraiment entre grosses guillemets. Et tu dis, j'aime cette personne, mais je ne veux pas lui faire du mal. Du coup, qu'est-ce que je fais? Donc, la relation est intéressante, mais le oui non. Intervient beaucoup trop souvent. Ouais, c'est ça en fait. Mm-hmm. Et en fait, ça fait pas avancer le truc, tu vois. Ça fait pas avancer. N'avance pas forcément. Non, ça n'avance pas. Alors, si ça mettait quelque chose dans l'intrigue, etc., tu dis bon, ok, d'accord. Là, à l'occurrence, ça le fait pas. Chiant. Ouais. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y a aussi beaucoup dans ce deuxième opus de séquences au ralenti. Est-ce que c'est vraiment une plus-value pour vous du film ou pas du tout? Parce qu'il y a des séquences au ralenti pendant qu'il est en train de voltiger, quand il combat le Rhino, etc. On n'en parle pas assez pour moi, mais moi cette scène-là, elle est extraordinaire pour moi. Alors, elle est extraordinaire, effectivement, mais alors même au début, hein. Même au début, il lui tire dessus à la mitraillette, on voit l'effet bullet time, et lui qui... Les ralentis n'apportent pas forcément de... Alors, c'est bien passé, mais je trouve que ça apporte pas beaucoup de plus-value au film. À la place de Spider-Man, en fait, il voit tout ralenti avec ses réflexes, tout ça, donc tu peux te mettre à sa place, dire, bon, bah oui, il voit les balles arriver, donc on a son point de vue. Mais sur l'attaque d'Electro sur Times Square, quand il évite aux gens de s'électrocuter sur les barres, pour moi, c'est le ralenti, là... Il est magnifique. Alors c'est même pas un ralenti, c'est vraiment le temps s'arrête et il est en train d'analyser ce qui va se passer. Et que vraiment. Ça fait penser d'ailleurs les séquences du Rhino, c'est vraiment ralenti. Il est en train de tourner avec ça, la bouche d'égout là. Non, le premier moment. Le premier moment. Parce qu'avec la bouche d'égout aussi, c'est incroyable aussi. La bouche d'égout, c'est ce qui clôture le film. Et c'est la première fois qu'en clôture de film d'un Spider-Man, on n'a pas une scène de voltige. Mmh. Et je trouve que ça apporte effectivement autre chose. Mmh. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que Oscorp c'est le principal créateur de méchants dans cet univers-là? le gars comme ça. Bon, tu veux quoi? Ouais, okay, New York. Ouais. Que New York. Ça, c'est une petite agence indépendante, voilà, qui gère. N'habitez pas à New York. C'est J'étais déçu, vous parliez de Max Dillon tout à l'heure, que Jamie Foxx y gérait tout ça. Moi, j'étais un peu déçu parce que en revoyant le film, je me suis aperçu que le gars, au départ, il est OK avec Spider-Man parce que Spider-Man se souvient de lui, mais il vrille parce que les caméras ne sont plus sur lui, mais sur Spider-Man. Oui. C'est à ce moment-là qu'il vrille et je fais... Bah, Boulard, un peu Boulard. Ouais, mais Boulard, alors que au départ, on le reconnaît pas, on sait pas qui s'appelle Max et tout ça, mais il y a quand même des petits trucs où Spider-Man va le sauver une première fois, il va lui dire ouais Max t'es mes yeux mes oreilles, il y a Gwen qui va lui dire ah Max Dillon ok bon anniversaire machin, qui va lui dire plein de trucs, et au final le gars va juste vriller parce que les caméras de télé sont sur un autre mec. J'ai fait c'est un peu facile. Bah, c'est pour ça que j'ai un léger problème avec ce film. Max, pour moi, il tourne trop vite méchant. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas assez de fond. Il a toujours été, bah, bon, dans le film, il est le petit geek introverti avec qui veut vote, machin. Ouais. Il est un peu gauche, mais il a un bon fond. Tu vois ? Oui, oui. Et... oui, c'est mal fait. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Arthur ? Oui, non, mais je suis d'accord. C'est vrai que. Ouais, faut. Il doit manquer à peu près 20 minutes de film. Le mec, il a même il l'avait, pas, il l'avait pas dit ça. Non, je crois pas. Ah, non, c'est, je la crois pas. Fois, ouais, c'est la première fois. Ah, non, c'est vrai que ouais, la vrille part un peu trop vite et un peu trop sans explication. Parce que Spider-Man, même, bah, on comprend, dit, je veux t'aider. Laisse-moi t'aider, t'inquiète pas. Bon, il se fait tirer dessus alors qu'il avait dit. Il se fait tirer dessus, mais c'est quand il voit les caméras sur Spider-Man, il fait quoi ? Quoi ? Et c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir un petit truc et. Bam, ça part. Bah, non, vraiment, arrête de vriller comme ça. Et pour moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a le teasing, mais il y a teasing du rhino. On voit l'armure, enfin, on voit le truc du Docteur Octopus, on voit les trucs du Docteur Octopus. Il me semble qu'on voit le jet du vautour. Oui. Enfin, on voit plein de trucs. L'armure de scorpion aussi L'armure de scorpion, il me semble. Enfin, on voit un truc qui. Clairement tease les Sinister Six. Derrière, on voit le bouffon vert, enfin Harry Osborn, arrêté. Il est dans la prison, il est dans la prison de Ravencroft. Et il y a l'homme mystérieux. Au départ, je croyais que c'était mystérieux d'ailleurs. Et sauf que c'est l'homme au chapeau qui a un autre nom, c'est un autre méchant. C'est de pas Norman Osborn. Pas du tout, c'est pas Norman Osborn qui est décédé en fait. Mais il est pas mort, Norman Osborn. Bah bien sûr. Il est dans son lit là. Oui, ils annoncent aux infos qu'il est décédé. Oui, mais, il est pas... mais bon, sinon. Mais quand il est décédé, est-ce qu'il est vraiment mort ? Bah oui. Est-ce qu'il est décédé dedans dans son corps ? Exactement. C'est une affaire à laquelle ne répondra pas Pablo Mira, puisqu'il n'est pas chroniqueur. Ah, c'est moche. Et du coup, non, vraiment, c'est l'homme au chapeau qui est joué par totalement un autre personnage que Norman Osborn, puisqu'il est vraiment décédé, puisque quand ils annoncent qu'il est mort, on le voit dans son lit, vraiment ne plus bouger et tout ça. Donc je me dis putain il y a vraiment trop de teasing et maintenant ce serait pas la spécialité de Sony de faire des teasing. Ouais si Marvel s'il te plaît. Ouais mais la Sony il bourre plus qu'au chausse-pied là c'est ouais, la voiture c'est... bélier hein, qui bourre. Ouais c'est qu'à mon avis t'as pas vu Doctor Strange. Mais bon on va passer tout de suite à la dernière partie c'est-à-dire l'après Amazing Spider-Man puisque figurez-vous que ben avec les chiffres que je vous ai donnés ça a pas fait un flop au box-office fait. Pas vraiment. Donc au final il devait y avoir un troisième. Pourquoi il n'y a pas eu de troisième? Eh ben je vais te le dire. Je vais vous le dire Madame Apolline de Malherbe. Donc vraiment non mais vraiment quand Arthur est arrivé avant d'enregistrer il m'a dit ouais il n'y a pas eu de troisième parce que c'est dû au flop au box office machin. C'est plus ou moins ce que tu m'as dit. Ouais, c'est la raison officielle. C'est la raison officielle, c'est la raison que dont tous les fanboys se sont emparés pour dire ouais non c'est juste parce que ça a fait un flop machin. Au final ça a juste fait 100 millions de moins. C'est voilà le film était quand même rentable. Sauf que il y a eu un petit truc qui s'appelle les leaks des mails Sony. Et je vais vous raconter une petite histoire. Parce que, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas apprécié qu'on lui dise non. Ah, ah dis donc. Nous sommes en 2014 et Andrew Garfield est au Brésil. Alors, non, c'est pas pour une opération de changement de sexe, arrête de me regarder comme ça, banzied, mais pour la Coupe du Monde qui se déroule là-bas. Ah oui. Il doit participer à un événement un petit peu plus tard avec le boss de Sony. Sauf que Pepper Garfield, il se sent pas bien et il décommande. Ce qui peut arriver, hein, on a tous eu la gueule de bois un jour ou l'autre. Sauf toi, vu que... voilà. Et là, Vlatipak, le PDG de Sony. Ouais, mais c'est pas normal. Il a été outré et il a donc décidé que Garfield, en fait, Andrew Garfield, c'était rien qu'un gros bébé cadom et c'est même plus lui son copain qui sera Spider-Man. Tu vous emmerdes et tu rentres à ma maison. Et c'est. Très mauvaise imitation. Ouais, Christophe Lemoyne. Non, c'était pas une imitation. Et vraiment, c'est tout. C'est juste le gars, il est pas venu à un événement et c'était. Ah ouais, il est pas venu à l'événement alors que je lui avais demandé de venir. Et bah, c'est plus lui, wesh. Voilà. Donc okay. Au final, Sony va conclure un accord avec le MCU pour réintégrer Spidey sous les traits de Tom Holland. Donc maintenant, on va faire vite fait, en une, deux phrases, s'il vous plaît, le conseil de classe, parce qu'on est déjà sur une émission de 3h30. Ah, c'est pas mal. En concurrence, qu'est-ce qui devient parce qu'on a... Est-ce qu'ils ont eu Donald Renew? Pas vraiment. Allez. Est-ce qu'ils ont eu le podcast award, un truc comme ça? Non, je crois pas. Si, on l'a eu, c'est moche. Ah ouais. Du coup, est-ce qu'on... Arthur, t'as écouté les émissions dernièrement? Oui. Oui. Donc tu ne sais pas du tout ce que c'est que le conseil de classe. Oui. Donc en fait, le conseil de classe, tu vas devoir dire sur Amazing Spider et Amazing Spider 2 si tu lui mets des félicitations, des encouragements, si tu lui mets un avertissement travail, avertissement comportement, le Panthéon c'est pour toi, c'est réservé pour toi, et pourquoi tu lui donnes cette appréciation là. Eh bien, vas-y, c'est parti. Yavol, ok, j'adore. Le premier, je lui mets encouragement. Les bases étaient bien posées, bien racontées, film simple à suivre, voilà, il y a une bonne intrigue, donc encouragement. Le deuxième, passable, se repose sur ses lauriers. Ses acquis. Alors, très bien, parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui fait vraiment les deux films en différé, c'est vrai. Alors que d'habitude on a vraiment le bloc et qu'on met au Panthéon. Voilà. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment les débiles qui disent qu'on le met au Panthéon quand même. Flony. Moi je vais être un peu dans la même dynamique que Arthur et ça me fait chier de dire ça vraiment parce que du coup il m'avait pas manqué forcément et de me dire que je m'aligne à lui c'est chiant. Donc du coup ouais, sur le premier gros encouragement parce que du coup comme je disais tout à l'heure avec la trilogie Sam Raimi de revenir avec un truc qui propose autre chose etc, j'ai trouvé ça quand même assez couillu, donc gros encouragement. Le 2, j'appellerais ça le fourre-tout vraiment parce que du coup le 2 c'était vraiment froid la vache, les mecs il y avait plus de place mais ils y allaient quand même, donc je vais pas mettre non plus un avertissement hein, mais du coup c'est dommage parce que bah comme on a dit dans la chronique il y avait plein de easter eggs qui étaient posés pour le prochain. Tu vois le doigt. Tu mets ton cucu, tu fais la touille. Voilà. Tu vois, on t'a spoilé ça. Super. Donc pour ça, c'est un peu dommage. Donc pas d'encouragement, pas d'avertissement, mais peut mieux faire. Voilà. Très bien, merci Banzioud. Ben pour le premier, moi je dirais les félicitations parce que t'as un film qui pose les bases, le héros. L'histoire d'amour, un premier méchant. Je me suis endormi. Le prof de sport qui parle à chaque fois, tout le monde s'en fout. Moi aussi, j'étais en train de faire des clins d'œil. Excuse-moi vraiment, je me suis endormi, t'inquiète. Un hasard que je trouve intéressant du coup. Mais pour la suite, doit faire ses preuves, mais il n'y a pas la suite. Du coup, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4. Merde. C'est dommage, mais comme tu disais, ça tisse plein de trucs. Et ça s'est arrêté là. Ouais, effectivement, moi je vais partir un petit peu. Ouais, t'avais pas fini. Si, j'avais fini. C'est un film qui est incomplet pour moi. Ouais, 20-30 minutes de plus, j'aurais pas dit non. Mais arrêtez avec ça là. On vous a dit qu'il manquait 20-30 minutes ou pas? Moi je veux pas dire, mais moi, pour te dire, Florent. Ouais. Vraiment, je pense que le film aurait été vraiment bien s'il y avait 20 ou 30 minutes de plus. Ah bah même là, tu vois, c'est totalement ce que je me disais, et je trouvais ça bizarre que Banzier et Arthur aient pas réagi sur le sujet. Bien sûr. J'aime le comique de répétition. Pas du tout, c'est pas notre genre. C'est pas notre genre. La surenchère? Pas du tout. Jamais. Non, bien sûr. Moi, je vais partir. Je vais partir un petit peu comme vous. Le premier, c'est vraiment des félicitations parce qu'on est sur une refonte totale de la mythologie de Peter Parker et de Spider-Man, hein, des deux, avec un nouveau Peter qui est plus cool, effectivement. Mais en même temps, ça passe. On a ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on a la mythologie de la famille Parker qui est intégrée dans cette histoire, tout ça. Et après, le 2, effectivement, je reviens sur ce que tu dis, Flony, c'est vraiment... Alors, il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. Bah, allez-y. Hein. Allez-y, hein, c'est super long, allez. Franchement, on n'est plus à ça près. Ouais. Viens, on met le plus de méchants qu'on peut. Et si on pouvait en rajouter un avec, et quoi, 20-30 minutes de plus. Bah, franchement, alors, tu vois, Flo, tu vois, maintenant que t'en parles, moi, je pense vraiment que à ce film-là, ce qui lui manque, c'est vraiment 20 ou 30 minutes de plus. Je pense aussi. Mais sur un méchant. On est, non, sur un méchant. Voilà. Un méchant, un nouveau méchant ou... Non, pas forcément. Non, sur, sur Osborn, parce que le méchant qui est joué par Colm Feore, qui joue aussi dans Umbrella Academy, d'ailleurs, qui joue le bras droit de Osborn. Enfin, je le trouve pété. Il sert à rien. Il est pété. Ça sert à rien. C'est bon, on est des complotistes, Illuminati, on est des arts. Super. Enfin, non, mais c'est le deuxième, c'est vraiment. Enfin, on est à la limite de l'avertissement. C'est dommage. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un troisième. Parce que, enfin, on va pas se mentir, les gars. Andrew Garfield est le meilleur Spider-Man. Oui, c'est sûr. J'ai pas. Alors. Je sais que tu me regardes avec tes grands yeux de biche. J'ai pas dit ça. Est-ce que tu peux me laisser finir ma phrase? Mais je te laisse finir. J'ai pas dit que c'était le meilleur, forcément, Peter Parker, mais c'est le meilleur Spider-Man. Ah, je suis totalement d'accord, ouais. Tu vois, très bonne réflexion. Ouais. C'est pas forcément le meilleur Peter Parker, parce que pour moi, Peter Parker, effectivement, faut que ça tranche entre les deux. Enfin, Peter Parker, il est. Effectivement, ce que je disais, trop cool dans Amazing, mais dans les premiers, il est maladroit, il est un peu, ouais, il est un peu gauche, tout quand ça. Quand il met son masque, il prend confiance en lui. Oui, mais il n'y a pas assez cette vibe Spidey où il fait ses vannes, machin. Et vraiment, un mix entre Tobey Maguire en Peter Parker et Andrew Garfield en Spider-Man, ça m'aurait fait kiffer de ouf. Ouais. Mais Tom Holland, c'est autre chose. C'est autre chose. Je dis pas que c'est moi, mal. Après, tu vois, juste pour faire une petite aparté sur Tom Holland, vous critiquez quand même, mais moi j'aime plutôt le Spider-Man de Tom Holland, tu vois. J'ai pas dit que je l'aimais pas, ah, oui, bien sûr, j'ai dit que c'était totalement différent par rapport aux deux bien premiers, sûr. Et c'est ce que je trouve vraiment très bien, oui. C'est qu'ils arrivent, malgré le fait qu'il y a un troisième acteur, ouais, à réinventer le personnage, que ce soit moi, du côté de Peter ou du côté de Spider. Exactement. Donc c'est vraiment très bien, et je pense que, et vraiment, pour une fois qu'on arrive à conclure une émission en bonne et due forme, hein, Peter. Ah, tu voulais dire un truc? Pour Tom Maguire, je sais pas, mais pour Tom Holland, tu sais que les acteurs le disent eux-mêmes, ils adorent le personnage de Spider-Man. Oui. Ils adorent le personnage de Spider-Man, et pour eux c'est un honneur de le jouer, surtout pour Andrew Garfield. Et tu le vois de toute façon dans oui, Andrew Garfield et Tom Holland, c'est vraiment les deux qui ont été bercés qui ont été biberonnés à Spider. Eh bien, merci Banziette pour cette dernière intervention qui était pertinente. Il faut quand même calme-toi. Il faut quand même l'avouer, mais enfin bon. Une intervention pertinente sur 8 heures d'émission, c'est chaud. C'est pas ouf. Du coup, c'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Merci messieurs, merci Donald Renew d'avoir participé à ce début d'émission. C'était vraiment génial. J'espère qu'il reviendra. Comme disent les Amérindiens. Exactement. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Comme le disait Donald, vous pouvez le retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Sauf Snapchat, il ne vous enverra pas de nudes. Quel dommage. Donald Renew, et normalement vous le trouvez, puisque il est validé, hein. Ah, bah, il est validé par la street, comme disent les Américains. Exactement. Et il a aussi sa chaîne Twitch. Sa chaîne Twitch. Merci pour la reprise. C'est une passe D. Vous pouvez bien évidemment écouter les autres podcasts ainsi que les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et les autres podcasts du label Podcast, à savoir Wake Up NBA présenté par notre Gus National. Exactement. Le BPCast présenté par un connard qui s'appelle Florent. Exactement. Et merci, t'es con. Et bien évidemment, l'actu dans le bahut, qui exactement. Est une émission où présenté par un connard, non? Non, pas du tout. Bah, c'est non. Présenté par c'est des élèves. Par des élèves. Tu vas te calmer vraiment. Ouais, vraiment. Il y a juste eu un invité qui était un connard sur la première, qui s'appelait Flony. Exactement. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est présenté par un autant pour moi. Excusez-moi les élèves. Donc voilà. De toute façon, ça ne s'entendra pas. Ce sera coupé. Allez. Je vous souhaite bien évidemment une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. I am a lonely hero, trying to fight my battles. Life likes to blow the cold wind. Sometimes it freezes my shadow. In the midst of all this darkness, I sacrifice my ego. There ain't no room for selfish, we do it for the people. The night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you move forward. Oh, but they wonder how, go on, go on. Oh, but they wonder how, go on, go on. Oh, simply say it's on again, it's on again. Everybody here trying to get on top. Everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. So you think you hot? Gotta grind hard, give it all you got. You can have it, you can have none. We see that a lot in the ghetto, ghetto. It's on again, whoa. The world don't stop, it's on again, it's on again, whoa.